Il s'agit de l'une des pages les plus noires de notre histoire contemporaine. La répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, CRS confondus, ont fait preuve d'une violence inouïe, rarement vue sur le territoire français. Un véritable déchaînement au cœur de Paris qui a sans doute fait au moins 200 morts parmi les manifestants. Et pendant plusieurs jours, on repêchera régulièrement des cadavres dans la Seine. Pourtant, ces événements sanglants passeront presque inaperçus. Il est clair que la France n'a pas voulu voir. Et d'abord parce que les victimes étaient des indigènes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des Français de seconde zone. Cet aveuglement sera tel que les autorités, à commencer par le préfet de police, Maurice Papon, pourront longtemps prétendre que seuls trois hommes ont trouvé la mort ce 17 octobre 1961, et encore, l'un d'entre eux, un Européen, n'aurait-il été victime que d'une crise cardiaque. Censure, indifférence, mensonge, amnistie précipitée se seront donc conjugués afin que ce massacre soit rejeté dans les oubliettes de l'histoire. Et il faudra presque 30 ans et l'ouverture du procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité pour que la vérité accablante émerge peu à peu. Mais le plus étonnant n'est peut-être pas là. Pourquoi ? Alors que la paix en Algérie semblait pratiquement acquise en cette fin 1961, une manifestation pacifique a-t-elle été réprimée de façon aussi meurtrière? Quels étaient les mobiles des uns et des autres? Qui avait intérêt à noyer dans le sang ce sursaut de fierté des Algériens de France? Monsieur X essaie de démêler les fils d'une affaire qui demeure une tâche indélébile sur l'histoire de notre pays. Depuis longtemps déjà, la violence était ordinaire en Algérie. Aux attentats meurtriers du FLN, répondait la répression exercée par l'armée où tous les moyens étaient bons pour venir à bout de l'insurrection. Et la torture. Hein. Et toutes les exactions perpétrées dans le bled. Toutefois, c'était la guerre. Une guerre impitoyable, même si elle n'emportait pas le nom, puisque le gouvernement persistait à parler des événements d'Algérie. Mais là, soudain, en octobre 61, la violence et les pratiques criminelles franchissent la Méditerranée. Juste au moment où l'horizon s'éclaircit, puisque délégués français et algériens ont commencé de négocier. Oui, et l'indépendance est déjà en vue. Depuis le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, on sait qu'elle interviendra un jour ou l'autre. Malgré l'émergence de l'OAS, créée après l'échec du putsch des généraux en avril 61. L'OAS qui va mener un combat d'arrière-garde terriblement sanglant. Et qui va aussi frapper en métropole. En essayant à plusieurs reprises d'assassiner le général de Gaulle. Ouais. Par conséquent, la violence a déjà traversé la Méditerranée. C'est vrai. Mais ce qu'on va voir en octobre 61 dépasse en importance et en sauvagerie tout ce qu'on a connu. Toutefois, c'est vrai, je dois légèrement corriger mon propos. Au mois d'avril, par exemple, on assiste à des événements très graves à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Oui, c'est un quartier, ça, où habitent beaucoup de Nord-Africains. Les FMA, comme on dit dans la police, c'est-à-dire les Français musulmans d'Algérie. Mais à la Goutte d'Or, on trouve aussi des harkis, des supplétifs de la police qui n'ont pas très bonne réputation. C'est-à-dire ? Ces types, commandés par un Français bon teint, sont utilisés dans la lutte contre les militants du FLN. Et ils ont l'habitude de pratiquer régulièrement la torture sur les hommes qu'ils appréhendent. En plein Paris. Hein. Et au besoin, ils procèdent à des exécutions sommaires. Oui, ça c'est connu, non ? Bien sûr, les autorités ne l'ignorent pas. Et elles laissent faire, alors ? Oui, enfin, il faut signaler que c'est le préfet de police qui a créé cette force de police auxiliaire. Ah oui, Papon, donc. Et Papon, préfet de police de Paris depuis 1958, et qui a aussi fait ouvrir un centre de rétention à Vincennes. Un centre où peuvent être internés sur simple décision administrative tous les Nord-Africains suspects. Et je vous laisse imaginer dans quelles conditions ils sont accueillis et hébergés. Mais je reviens à ce que je disais. Au mois d'avril, donc, les supplétifs se déchaînent et lancent une série d'opérations d'une extrême violence contre leurs frères. Avec quel bilan ? Il y a des dizaines de blessés. Et la seule réaction de Maurice Papon sera de faire saisir le journal Libération qui a eu le tort de rapporter les faits. Le vieux Libération, il faut le préciser. Et ces harkis peuvent donc agir en toute impunité. Pratiquement, oui. Mais il faut aussi dire que lorsque l'un d'entre eux tombe dans les mains du FLN, ça se termine très mal. Parce qu'il est considéré comme traître. Et exécuté en tant que tel, quoi qu'il en soit. On assiste ensuite à une relative accalmie. Le FLN a renoncé aux attentats et les rafles de Nord-Africains sont moins nombreuses. Une raison ? Bien entendu. À Évian, on négocie. Oui, c'est le gouvernement français. Oui, je paiera le gouvernement provisoire algérien. Mais fin juillet, c'est la rupture. À propos de quelle question, Fred? Le Sahara. Ah oui, le Sahara et ses réserves pétrolières. Ah, évidemment. Et de gaz aussi. Oui, de Gaulle ne veut rien céder sur le pétrole et aussi sur le pas de tir où on expérimente la bombe atomique. Ouais, enfin, il finira par changer d'avis. Hein. Partiellement, oui. C'est ce qu'il affirme dès le début du mois de septembre au cours d'une de ses célèbres conférences de presse. Mais auparavant, s'est passé un événement politique important. Edmond Michelet, le ministre de la Justice, est débarqué. Il y a longtemps que le Premier ministre Michel Debré voulait se débarrasser de lui. Il a donc fini par avoir sa tête. Et, enfin, quelle est la signification politique de ce débarquement là? Manifestement, dans la conduite des affaires algériennes, c'est la ligne dure qui l'a emporté. Et ce n'est pas très surprenant. Fidèle à sa tactique habituelle, le général de Gaulle veut négocier en position de force. Autant sur le terrain, en Algérie même, qu'en métropole où le gouvernement entend s'opposer avec la plus grande fermeté aux activités des nationalistes algériens. Il ne faut pas oublier que c'est la Fédération de France du FLN qui finance en grande partie le mouvement rebelle. Ouais, c'est-à-dire grâce aux cotisations des travailleurs nord-africains en France. Oui, enfin, moi je parlerais plutôt d'impôts obligatoires, enfin peu importe. Ouais. Et là, donc, affaiblir le FLN en métropole, c'est menacer son financement. Exactement. Mmh. Et notez-le bien, dès le mois d'août, alors que les Français sont en vacances, la répression s'intensifie. Policiers et auxiliaires harkis multiplient les rafles, les perquisitions et les mesures de rétention. Et bientôt, on va retrouver chaque jour ou presque des cadavres d'Algériens dans la Seine. Assassinés, là. Malheureusement, oui. Alors bien sûr, on va prétendre qu'il s'agit de règlements de compte entre factions rivales. Oui, le FLN contre le MNA de Messaliadj. Eh, forcément. Mais c'est faux. Parce qu'en ce début d'automne 61, il y a déjà longtemps que le FLN a écrasé le parti rival, au moins en région parisienne. Alors, ce sont donc des policiers ou ces supplétifs nord-africains qui sont les responsables de ces assassinats. Oui. Il s'est alors déjà constitué des sortes d'escadrons de la mort au sein des forces de police. Des gens qui sont généralement proches de l'OAS. En tout cas, la conséquence immédiate, c'est que le FLN recommence à s'attaquer aux policiers et aux gendarmes. Entre la fin août et le début octobre, 11 d'entre eux sont tués et plusieurs autres sont blessés. Ah, des attentats individuels, mais existe-t-il une consigne du FLN ordonnant ces attentats? Incontestablement, même si elle fait débat au sein du GPRA, ou d'ailleurs Ferhat Abbas se jugeait trop mou, vient d'être remplacé. Quoi qu'il en soit, cette vague d'assassinats provoque une intense émotion au sein de la police. Les plus résolus demandent des condamnations à mort, des exécutions. Certains parlent de se faire justice eux-mêmes. Et d'après ce que vous avez dit, certains ont déjà pris les devants. En effet. Il ne faut pas oublier que si la plupart des policiers de l'époque sont républicains, il existe aussi des hommes recrutés dans les années 50 du temps du préfet Bailo et du commissaire Dide, qui se situent clairement à l'extrême droite. Et ceux-là ne peuvent pas ne pas être encouragés par le préfet Papon qui déclare publiquement à ses policiers « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». Ah, c'est un appel à la vengeance. Ben ça me paraît clair. Mais Papon qui invite aussi les policiers à tirer les premiers dès qu'ils se sentent menacés et leur promet qu'ils sont toujours couverts. Ah, au fond, qu'est-ce que c'est ça? C'est un permis de tuer au fond. Pire encore, le préfet leur dit que si un Nord-Africain est abattu, leur supérieur s'arrangera pour qu'on trouve une arme sur lui. Ah ouais, c'est excessivement grave tout ça. Ah ben je n'invente rien. J'ai trouvé cette citation dans un compte-rendu syndical rapporté par Jean-Luc Enodi, un homme dont nous reparlerons car il a joué un rôle décisif dans la recherche de la vérité sur le 17 octobre 61. Mais revenons à Papon. C'est une de ces décisions qui va mettre le feu aux poudres. Laquelle, hein? L'instauration, le 5 octobre, d'un couvre-feu pour les Nord-Africains dans le département de la Seine et la banlieue parisienne. C'est-à-dire un couvre-feu uniquement pour les Nord-Africains, c'est une mesure discriminatoire. Bah, bien sûr, oui. Et qui a été approuvée par le gouvernement? Forcément. Il faut se souvenir que grâce à l'article 16 de la Constitution, le général de Gaulle disposait alors des pleins pouvoirs. Ce couvre-feu vise donc à interdire la circulation des Nord-Africains dès la tombée de la nuit. Ouais. Alors pourquoi? Afin d'éviter les attentats à l'hiver. Et surtout de réduire l'activité du FLN qui est essentiellement nocturne, puisque dans la journée, les hommes sont au travail. Il s'agit donc, si je vous comprends bien, de mettre un terme aux collectes de fonds. Et d'aboutir à une asphyxie progressive du FLN métropolitain. En outre, il est fortement recommandé aux Nord-Africains d'éviter de circuler en groupe, car les assassinats de policiers étaient généralement perpétrés par des commandos de 3 ou 4 hommes. Papon ajoute une mesure encore plus discriminatoire. Tout Français musulman circulant en voiture, de jour comme de nuit, doit être interpellé et son véhicule conduit provisoirement à la fourrière. Ah ouais. Alors bon, pour ces Nord-Africains, c'est quoi ? C'est métro, boulot, dodo, quoi. Ben oui. Dès la fin de leur journée de travail, les Algériens sont invités à regagner prestement leur bidonville et les hôtels misérables où ils s'entassent. J'ajoute un élément très important. Ces mesures discriminatoires encouragent aussi le racisme, puisque c'est le seul faciès qui permet de distinguer le Nord-Africain du Français ordinaire. Et bientôt, c'est d'ailleurs une véritable chasse aux faciès qui va s'ouvrir. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Enfin, quelle est la réaction de la direction du FLN ? Les dirigeants de la Fédération de France, réfugiés en Allemagne, ordonnent qu'il soit mis fin aux assassinats de policiers. Alors, ça veut dire que les mesures controversées de Papon portent leurs fruits ? Si on veut. En fait, je crois essentiellement que les dirigeants nationalistes ont compris que ces meurtres étaient contre-productifs. Ce qui signifie Ils ne faisaient que braquer l'opinion publique contre les FLN. Cependant, ces dirigeants ne pouvaient quand même pas subir sans réagir les mesures vexatoires qui leur étaient imposées. Et c'est à partir de ce moment que le drame va se nouer. Jean-Luc Enaudi, dont le nom a été prononcé plus haut par M. X, a publié en 1991 « La bataille de Paris ». Il évoque les exactions commises par les supplétifs nord-africains. J'extrais ces quelques lignes. Les supplétifs de la force de police auxiliaire qui ont vu leurs effectifs augmenter multiplient les interventions en banlieue. À Saint-Denis, armés de mitraillettes, ils pénètrent chez les commerçants, fouillent les passants et les malmènent dans les rues. Le 2 octobre, ils pénètrent dans un café, 66 boulevard Félix Faure. Quand ils ressortent, Bouaris Amar gît à terre, inanimé. Le maire de Saint-Denis, Auguste Gillot, le conduit à l'hôpital. Dans la soirée, les supplétifs montent dans les autobus pour fouiller les voyageurs. Des femmes françaises sont giflées. Le maire et d'autres élus de la ville se rendent au commissariat de police, situé alors en face de la mairie, pour protester. Un commissaire fait intervenir des policiers en tenue qui les matraquent. Le lendemain, dans la salle des fêtes de la mairie, un millier de personnes se rassemblent pour protester. À la sortie, le commissaire de police fait contrôler l'identité des participants. Les supplétifs s'installent également à Nanterre, dans un hôtel situé 278 avenue de la République, dont ils chassent les occupants. Des Algériens sont torturés dans la cave. On les voit également à Puteaux, Gennevilliers, Courbevoie, patrouillant armés par un groupe de 10, 5 sur chaque trottoir. Coincés, puisque le FLN leur interdit de se livrer à des représailles violentes, les Nord-Africains de la région parisienne vont donc faire la seule chose qui leur reste possible, manifester dans la rue alors même où le couvre-feu s'applique. Est-ce que ça ne peut pas être perçu, ça, comme une provocation par les autorités, et surtout par la préfecture de police? Certainement. Ont-ils le choix? En tout cas, les meneurs prennent plusieurs précautions. D'abord, ils interdisent formellement aux manifestants tout port d'armes, même les plus insignifiantes, ne serait-ce qu'une épingle à nourrice. La manifestation doit être pacifique. Absolument. Et des militants procéderont même à des fouilles avant le départ des cortèges. Ensuite, il est demandé aux manifestants de rester sur les trottoirs afin de ne pas gêner la circulation. Et puis, afin de bien montrer que cette démonstration doit être pacifique, la consigne est donnée de venir en famille. Oui, avec femmes et enfants. C'est ça, oui. Ouais. Et attendez, tous ces Nord-Africains qui vont sortir de leur bidonville, le font-ils spontanément ou bien le FLN fait-il pression sur eux? Il n'est pas exclu que certains d'entre eux guère désireux d'aller affronter la police et renacler. Et qu'on les ait obligés à y aller, quoi. C'est possible. Les hommes du FLN n'étaient pas détendres et régnaient d'une main de fer sur la communauté immigrée. Mais on ne mobilise pas par la force des milliers d'hommes et de femmes. Car ce sont plus de 30 000 manifestants qu'on va retrouver dans la rue. Il n'empêche, à mon avis, que la Fédération de France a pris un risque terrible en envoyant tous ces gens braver le couvre-feu. Certes, mais des éléments extérieurs ont aussi pesé très fort dans la décision du FLN métropolitain. Quoi alors ? Les rivalités qui existaient au sein même du mouvement nationaliste algérien. Car tous pensaient déjà à l'après-guerre et à la conquête du pouvoir lors de l'indépendance. Et la Fédération de France du FLN entendait jouer son rôle. Ah oui, là aussi, il fallait faire une démonstration de force. C'était l'objectif de la Fédération. Il est intéressant de noter qu'au GPRA, le gouvernement provisoire, nombreux ont été ceux qui ont désapprouvé l'organisation de la manifestation. Alors pourquoi? Surtout parce qu'ils la trouvaient inutile. La fin du conflit approchait. Il était donc vain de se livrer à une provocation qui ne ferait que compliquer les choses et qui, dans tous les cas, ne faciliterait pas les négociations avec la puissance coloniale. C'est pourquoi, il faut le signaler, le massacre du 17 octobre sera très peu exploité par le GPR. Et même dans l'Algérie indépendante, il sera très longtemps oublié. Comme en France, en somme. Oui, c'est assez curieux. Ouais. Alors, dernière question avant de voir les fêtes. Les initiateurs de la manifestation avaient-ils pris la mesure de l'extrême violence qu'ils allaient déchaîner? Je ne le pense pas. Même s'ils savaient que les assassinats de policiers avaient exacerbé les haines. Toutefois, ils ne pouvaient pas prévoir le bain de sang qui allait suivre. Un bain de sang qui, disons-le tout de suite, ne doit rien au hasard. Mais on en reparlera. Quoi qu'il en soit, à la préfecture de police, on sait depuis le matin du 17 octobre que les Nord-Africains vont manifester en masse. Et on se prépare en conséquence. Attendez, est-ce qu'on sait que les manifestants ne porteront pas d'armes? Bien sûr. La police dispose de suffisamment d'informateurs infiltrés dans les rangs du FLN. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il était décidé de quadriller la capitale et surtout de boucler les bouches de métro afin d'arrêter les manifestants avant même qu'ils ne sortent dans les rues. Et des milliers d'entre eux vont ainsi être arrêtés presque immédiatement et conduits dans des véhicules de police. Mais aussi des bus de la RATP réquisitionnés pour l'occasion vers le palais des expositions, le centre de rétention de Vincennes ou encore le stade Coubertin. Mais on veut les empêcher de manifester. Oui, enfin, ce sont les conditions dans lesquelles ces arrestations sont opérées qui sont scandaleuses. Ces malheureux sont férocement battus avant d'être précipités dans ces véhicules. Et lorsqu'ils arrivent dans ces lieux de rétention, des comités d'accueil les attendent. Ouais, comités d'accueil, c'est-à-dire hein? Obligés de passer entre deux haies de policiers ou de gendarmes, ils sont systématiquement frappés. Et beaucoup seront grièvement blessés. Certains qui vont rester sans soins médicaux pendant des heures, parfois des jours, mourront. Sans parler des conditions d'hygiène dans lesquelles on va les laisser croupir, entassés les uns contre les autres. Et toi, ça rappelle autre chose, hein, le Veldiv et les rafles de juifs de juillet 1942. Exactement. Et à l'extérieur, c'est encore pire. Voyons par exemple ce qui se passe sur le pont de Neuilly. Un important cortège de manifestants venant des bidonvilles de la banlieue descend de la Défense et s'engage sur le pont barré par un cordon de policiers et de supplétifs nord-africains. Lorsqu'ils arrivent à une cinquantaine de mètres de ce barrage, les premiers coups de feu éclatent. Eh bien, tirs qui viennent d'où alors? Des rangs policiers. Des supplétifs tirent au pistolet mitrailleur. D'autres policiers ont sorti leurs armes de service et tirent aussi en direction des manifestants. Un commissaire de police a beau hurler, ne tirez pas. Il n'est pas entendu. Et la fusillade continue. Mais il n'y a eu aucune sommation. Ni même ordre de tirer. Donc, il y a eu volonté de tuer. Et préméditation, c'est évident. Les manifestants sont maintenant coincés, car des forces de police bloquent l'autre extrémité du pont. Et c'est alors qu'on commence à jeter dans la Seine les cadavres et les survivants. Ailleurs, devant l'Opéra, boulevard Bonne Nouvelle ou encore à Saint-Michel, les mêmes scènes se reproduisent. Et à chaque fois, les policiers tirent et frappent à coups de bâton les manifestants. Et lorsque le fleuve n'est pas trop loin, comme place Saint-Michel par exemple, on jette les blessés dans la Seine. Mais comment expliquer que ce massacre puisse être perpétré en plein Paris? D'abord, il faut dire que la population parisienne ne s'émeut guère. Les braves gens ont rapidement fermé leur volet. Ouais, mais il y a quand même des témoins. Et certains, comme le photographe Élie Kagan, vont prendre en douce des clichés accablants. Mais il ne fait pas bon essayer d'intervenir, car les policiers sont prompts à matraquer les témoins trop curieux ou qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Doit tout de même y avoir des policiers qui désapprouvent ce déchaînement. C'est exact. Et parmi eux, des syndicalistes qui témoigneront plus tard. Mais cette nuit-là, ils sont impuissants. Impuissants à calmer leurs collègues les plus excités. Et ici, je dois révéler un fait qui implique directement l'état-major de la police et donc la préfecture de police. C'est-à-dire Papon. Papon qui n'a guère quitté la salle de commandement. Alors ce fait-là? À plusieurs reprises, au début de la soirée, la radio qui relie les différents véhicules de police à l'état-major fait état d'informations inquiétantes selon lesquelles, dans plusieurs lieux, des policiers ont été grièvement blessés et même tués. Et ça ne fait que renforcer les policiers dans leur volonté d'en découdre. Ce sont en effet de véritables appels à la haine. Et c'est ainsi qu'ils ont été entendus. Mais des fausses nouvelles, qui est à l'origine de ces fausses nouvelles? Ça ne peut être qu'un fonctionnaire qui se trouvait en haut de l'échelle. Tout en haut ? Ben, pourquoi pas. Je reviens à Jean-Luc Einaudi et à son deuxième livre, Octobre 61, un massacre à Paris. En 1999, il recueille le témoignage de Gérard Monnat, ancien patron du plus important syndicat de policiers en 1961. Voici ce que celui-ci déclare. Il y a eu des tués et des blessés sur les lieux de la manifestation, mais aussi dans les secteurs à forte densité algérienne où des groupes de policiers pratiquaient des ratonnades. Ce fut ahurissant. Le nombre officiel des morts est dérisoire par rapport à la réalité. Nous avons eu un témoignage formel qui a été fait par des agents de l'Institut médico-légal. Ces agents-là, aussi bien les inspecteurs que les agents de service, étaient syndiqués à notre syndicat. Or, ils nous ont assuré qu'à leur niveau, il y a eu plus d'une centaine de corps qui ont été dirigés vers l'IML. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils nous ont dit que, sur instruction, les corps étaient rejetés à la Seine. Cela a camouflé tout. On n'a jamais su le nombre exact des morts. Il y a eu au moins 100 victimes. Cela, c'est sûr, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus. Les corps arrivaient à l'Institut médico-légal et immédiatement, on les rejetait dans la Seine. L'Institut médico-légal était tout à fait en bordure de Seine. Ce n'était pas long. Il y avait 10, 15 mètres à faire. Les gens de l'IML qui étaient là, sur place, les rejetaient à la Seine. Ces gens-là ont été complices. Mais j'en ai connu qui en ont été malades de ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait très peu de morts à l'Institut médico-légal. Bien sûr, il y a eu très peu de morts inscrits. Tous les autres ont été rejetés à la Seine. C'est une affirmation que je peux faire, car elle m'a été donnée par des gens qui avaient été témoins, qui avaient vu. Dès le lendemain, on a eu droit à une avalanche de mensonges, à commencer par celui-ci. La préfecture de police n'a dénombré que 3 morts. Et c'est autre encore. Si la police a ouvert le feu, c'est qu'elle a riposté à des tirs provenant de la foule des manifestants. Or, curieusement, aucun policier n'a été blessé par arme à feu. Et nul témoin n'a aperçu d'armes dans les rangs des manifestants. Mmh. Autre mensonge ? Papon, qui se flatte d'avoir gagné ce qu'il appelle la bataille de Paris, ose déclarer que la police parisienne a fait tout simplement ce qu'elle devait faire. Et un peu plus tard, de concert avec le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, il affirme que le FLN a profité de cette manifestation pour liquider ses opposants du MNA. Oui, parce qu'il faut quand même bien expliquer pourquoi on retrouve tant de cadavres dans la Seine. Ce que l'on appelle cyniquement les noyés par balles. Ouais. Noyés par balles, ouais. Mais on en trouvera aussi dans les bois environnant Paris. Cependant, et contre toute vraisemblance, Papon et au-dessus de lui, les plus hautes autorités de l'État, imputent ces morts violentes au FLN. Et ces mensonges, si je puis dire, ont été avalés par la presse ? Généralement, oui. Les journalistes ont sagement relayé les informations fournies par la préfecture de police. Sans chercher à voir plus loin. Mais heureusement, pour quelques journaux, ça ne dure pas. Les journaux de gauche, j'imagine ? Pas seulement. Dans le Figaro, un homme comme Denis Perrier-Daville prend la plume pour démentir Papon qui prétend que les manifestants étaient armés. Et il dénonce le fait que nombre d'entre eux ont été violemment frappés alors même qu'ils étaient déjà arrêtés. Toutefois, c'est vrai, la censure veille. Et les autorités observent un rigoureux silence quand elles sont, par exemple, interrogées à l'Assemblée nationale ou au Conseil municipal de Paris. Et le gouvernement s'oppose résolument à l'ouverture d'une enquête parlementaire, demandée en particulier par Gaston Defferre. Il faut faire silence. Et nier. Papon, pour revenir à lui, n'a jamais donné d'explication quand Claude Bourdet, grand résistant, cofondateur de France Observateur et conseiller municipal de Paris, l'interrogera sur le massacre d'une 50aine de Nord-Africains dans une des cours de la préfecture de police. Ah, pratiquement sous les fenêtres du préfet, donc. Des faits qui seront révélés dans un tract anonyme rédigé par des policiers républicains. Papon, donc, refusera d'évoquer cette affaire, mais il s'acharnera, en vain toutefois, à découvrir l'identité de ces policiers. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il existait dans la police des hommes qui désapprouvaient ces violences. Et sans doute plus nombreux qu'on ne le pense, mais la plupart se sont tus, par un réflexe de solidarité avec leurs collègues, ou bien par lâcheté. Et c'est plus tard, mais beaucoup plus tard, que certains délivreront leur conscience. C'est d'ailleurs grâce à ces témoins patiemment retrouvés par Jean-Luc Einaudi que la vérité a pu enfin voir le jour après 30 ans de silence. Un silence d'abord imposé par le gouvernement qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire taire tous les grincheux. Vous parlez de la censure. Et des saisies. Celle du film de Jacques Panigel, par exemple, ou encore celle du livre de Paulette Péju, Les ratonnades à Paris, publié dès 1961 par Maspero et jamais distribué dans les librairies. Non, il fallait tout faire pour ne plus reparler de ces événements. Et puis ensuite, il y a eu l'oubli, tout simplement. Cependant, un autre drame d'importance a sûrement contribué à effacer des mémoires les événements du 17 octobre. De quoi voulez-vous parler, là ? Des morts de Charonne, en février 1962. Ah oui, 9 manifestants, c'est ça, de la CGT ou du Parti communiste, qui se trouvaient au milieu d'un défilé de protestation contre les crimes de l'OS. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Des hommes et des femmes qui ont été piétinés et précipités par la police dans les escaliers d'une bouche de métro fermée et qui sont morts étouffés. Vous vous en souvenez sans doute, ce drame a provoqué une grande émotion et des centaines de milliers de personnes ont suivi les obsèques des victimes. Et longtemps encore, ces morts demeureront dans la mémoire collective des Français. Oui, mais alors, pas le massacre des Nord-Africains de... Et pourtant, c'était la même police et peut-être les mêmes hommes, ainsi que l'a écrit un journaliste de l'Express. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence, ces 9 victimes innocentes ont compté bien plus que les dizaines et dizaines de Nord-Africains tués quelques mois plus tôt. Ouais, c'est cruel à dire, mais c'est peut-être une autre manifestation de racisme. Hein. Ah ça, je n'ose le dire. Est-ce qu'on peut se risquer à évoquer un bilan des victimes du 17 octobre ? C'est pas facile, ne serait-ce que parce que de nombreuses archives ont disparu. Oui, ce n'est pas innocent, j'imagine. Et quand elles n'ont pas disparu, on a tout fait pour que leur accès soit le plus difficile possible. Oui, puis il faut rappeler que 2 archivistes ont été sanctionnés. Hein. Alors, le bilan est naudi en rapprochant plusieurs documents et surtout en recueillant de nombreux témoignages, est parvenu au chiffre de 200 morts. Tandis qu'un autre chercheur, Jean-Paul Brunet, qui, lui, n'a consulté que les dossiers de la préfecture de police, est arrivé à une estimation d'une 50aine de morts. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, et bon, sans mettre en cause les recherches effectuées par ces 2 hommes, je me suis reporté au témoignage d'un homme qui était bien placé pour savoir. Qui ? Constantin Melnik. Ah oui, c'était le conseiller de Michel Debray. Qui était alors chargé des affaires de renseignement auprès du Premier ministre. Melnik a déclaré, mais longtemps après les faits, qu'il évaluait le nombre de morts entre 150 et 300. En effet, selon lui, après le 17 octobre, on repêchait chaque semaine dans la Seine une 20aine de cadavres de Nord-Africains. Mmh, effectivement. Mais officiellement, le bilan est toujours de 3 morts. Hein. Oui, sauf que maintenant, après le procès intenté par Maurice Papon à Jean-Luc Hénaudine... Procès que l'ancien préfet de police a perdu. Donc, ouais, après ça, il n'est plus possible de s'en tenir à un chiffre aussi caricatural. Et notons aussi qu'au cours de ce procès, la responsabilité personnelle de Papon dans le massacre a été soulignée. Et elle est même apparue écrasante. Même si c'est évident, Papon a obéi à des ordres. Ouais, mais enfin, il a aussi prétendu ça lorsqu'il a été accusé de crime contre l'humanité. Hein. C'est parfaitement vrai. Toutefois, un fonctionnaire n'est pas un militaire. Il garde toujours sa faculté d'appréciation. Alors, allons un peu plus loin. Au sommet de l'État, on voulait, je vous l'ai dit, reprendre la négociation dans une position de force. La négociation avec le GPRA. Le gouvernement provisoire algérien. Oui, qui reprendra donc seulement 10 jours après le massacre. Ah, exactement, comme si ce massacre n'avait pas eu lieu. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le gouvernement entendait montrer que le FLN ne faisait pas la loi à Paris et qu'on pouvait lui porter des coups très durs. Et ça a été le cas. Oui, oui, car malgré les consignes de la Fédération de France, de nombreux cadres se sont mêlés à la manifestation. Et ceux qui ne sont pas morts ont été arrêtés et sévèrement interrogés. Conclusion, le FLN métropolitain a été considérablement affaibli. Et de ce strict point de vue, les forces de police, à commencer par la DST, d'ailleurs le contre-espionnage, ont réalisé leur objectif. Mais qui était, enfin... C'est ce que vous avez dit, hein, d'asphyxier le FLN en rendant très difficile la collecte de l'impôt. Tout à fait. Quant à Papon, je crois qu'en ne faisant rien, c'est le moins qu'on puisse dire, pour s'opposer au massacre, je pense qu'il a vu là une façon d'évacuer la colère de sa police exaspérée par l'assassinat de plusieurs de ses membres. Une sorte de soupape de sécurité. Et il a donc lâché ses chiens pour éviter une possible explosion. Et en cela, il a été soutenu par le pouvoir qui a toujours craint, par-dessus tout, de voir sa police descendre dans la rue. En tout cas, Le massacre n'a jamais été reconnu officiellement par les autorités françaises, quels que soient les gouvernements, et aucun responsable n'a été désigné et poursuivi, puisque une loi d'amnistie adoptée en 1962 a blanchi tous les auteurs de crimes commis à l'occasion de la guerre d'Algérie. Je voudrais terminer par le rappel d'une plaidoirie prononcée en 1972 par Robert Badinter lors d'un procès intenté au journaliste Jacques de Rogy par un officier de police. Je cite l'avocat. Ce qu'il reste maintenant de cela, ce sont les témoignages, ce sont les photos, ce sont les rappels qu'on me fait à moi lorsque je quitte notre pays et que je vais dans une conférence internationale de juristes où l'on me dit « Chez vous aussi, ça a eu lieu à Paris, ces crimes-là. » Et je me tais. Alors je comprends que maintenant, après 9 ou 10 ans écoulés, ça pèse lourd encore, mais cela a eu lieu. Et je le dis contre ceux qui ont pris les décisions. Ce n'est pas des unités spécialisées, ce n'est pas des hommes que l'on aurait choisi, élevés, dressés, comme une espèce de défi à l'humanité. À cette chasse ignoble, c'est toute la police parisienne qu'on a mobilisée ce soir-là pour faire ça. Quelques-uns, chez vous, dans la police, ont fait leur devoir, mais les autres, poussés, excités, combien d'entre eux ont perdu ce jour-là le sens même de l'humanité? Cette nuit-là, aussi longtemps que nous en conserverons la trace, il demeure que non seulement au parc des expositions, mais dans les commissariats de police, on a tué, on a torturé, on a frappé à mort des hommes qui étaient venus sans armes, eux aussi poussés, je le sais bien, par des raisons de haute politique. Enfin, je rappelle les titres des principaux ouvrages consacrés à ces événements, La bataille de Paris et Octobre 61 de Jean-Luc Enaudi, l'un publié au Seuil, l'autre chez Fayard. Il faut aussi signaler la réédition à la découverte du livre de Paulette Péju, saisi en 1961, Les ratonnades à Paris, et aussi celui de Jean-Paul Brunet chez Flammarion, Police contre FLN. Enfin, je vous recommande la passionnante histoire secrète de la Ve République, parue à la découverte sous la direction de Jean Guinel et Roger Faligot, où un long chapitre est consacré au 17 octobre, au